Le divin et l'humain par Léon Tolstoï. Préface du traducteur Elie Alperin Kaminski. Le manuscrit du récit de Léon Tolstoï, dont je donne ici la traduction, a été récemment retrouvé parmi les papiers de l'illustre romancier conservé à la bibliothèque de l'Académie des sciences de Petrograd, surnommée aujourd'hui Leningrad. Ces pages se recommandent à notre attention non pas tant par leur caractère d'inédit, bien qu'il en reste fort peu, que par leur valeur littéraire et surtout leur portée morale immédiate. L'auteur y met en relief le tragique malentendu entre les révolutionnaires qui, depuis plus d'un demi-siècle, tendaient à réaliser l'idée socialiste, partant matérialiste, alors que la masse des moujiks est foncièrement pieuse et obéit à la seule loi du Christ. Et c'est bien cette fatale méprise des intellectuels russes qui amenait la Russie au cataclysme sans pareil dont elle continue à subir les formidables effets. Et c'est bien là aussi le sens des pages qu'on va lire, sous le titre explicite « Le divin et l'humain ». L'origine de la conception du récit nous l'atteste. Préoccupé constamment du désaccord funeste entre l'œuvre humaine des révolutionnaires et les aspirations divines du peuple russe, Tolstoï s'était proposé d'y revenir une fois de plus au cours de son ultime roman « Résurrection » à l'occasion du débat entre les révolutionnaires au chapitre 14 de la troisième partie. Pendant une halte du convoi des forçats sur la route de Sibérie, les condamnés politiques, séparés de ceux du droit commun, entendent, derrière la cloison de leur baraquement, des jurons, le heurt des gens qui se battent, des vociférations sauvages. Les voilà bien, les bêtes fauves, quelle relation pouvons-nous avoir avec eux? Dit l'un des révolutionnaires. Une rapide controverse s'ensuit, la plupart des bannis politiques se ralliant à l'opinion du chef. Un seul s'oppose et cite à l'appui le cas d'un forçat condamné pour meurtre, qui cependant risque sa vie pour sauver d'une mort atroce l'un de ses compagnons. Ce cas de rare générosité manifestée par un simple moujik, générosité à laquelle son passé de brute ne le prédisposait guère, ne suffisait sans doute pas à Tolstoï pour la démonstration qu'il voulait développer. On a retrouvé parmi ses manuscrits deux pages résumant le sujet de « Le divin et l'humain » et ayant été retranchées du chapitre 14 de « Résurrection ». De toute évidence, le sujet avait paru à l'auteur d'une portée trop générale pour qu'il le traitât incidemment, en une brève mention. Il le pouvait d'autant moins que son journal intime de 1897 nous le montre tout ému devant la véritable aventure d'un jeune révolutionnaire nommé Dimitri Lizogoub affrontant une mort infamante avec la sérénité d'un martyr chrétien. Il connut les circonstances de la pendaison de Lizogoub à Odessa par les proches amis du supplicié, qui rédigèrent à son intention une notice biographique également retrouvée dans les papiers de Tolstoï. On perçoit la voie suivie par l'apôtre de Yasnaïa Polyana, le déterminant à confronter l'histoire pathétique du jeune révolutionnaire avec celle non moins réelle et non moins significative d'un paysan de la secte des vieux croyants, ces deux personnages symbolisant l'idée totale du divin et de l'humain dans le récit saisissant qu'on va lire. Ceci se passait dans la décade de 1870, au plus chaud de la lutte des révolutionnaires contre le gouvernement. Le gouverneur général de la région méridionale, soit la Nouvelle-Russie, dont le chef-lieu était Odessa, un Allemand solide, corpulent, portant la moustache tombante sur un visage froid et inexpressif, sanglé dans une redingote militaire, une croix blanche au cou, était assis, le soir, devant son bureau de son cabinet de travail éclairé de quatre bougies surmontées d'abat-jour vert. Le général compulsait des papiers que son chef de chancellerie venait de lui laisser. Parmi ceux qu'il avait signés se trouvait l'arrêt à la peine de mort par strangulation du licencié de l'université de Kiev, Anatole Sveitlogoub, jeune homme de 25 ans. Sa mère était venue à deux reprises pour intercéder en sa faveur, mais le général ne l'avait pas reçue. Le papier qu'il lisait à ce moment se rapportait à la fixation des frais pour transport de provisions. Pendant qu'il lisait, il sentit soudain, sous sa redingote rembourrée de ouate sur la poitrine, les pulsations de son cœur se précipiter. Il se souvint de l'aspect d'un pendu à l'exécution duquel il avait dû assister par devoir de service, et un malaise le saisit. On pourrait encore rappeler le chef de la chancellerie et faire rapporter l'arrêt, songea-t-il. Il sonna. L'huissier entra d'un pas rapide et feutré. « Ivan Matvievitch est encore là ?»« Non, Excellence, il vient de partir. »« Non, c'est impossible. se dit le général en se rappelant sa dernière audience chez l'empereur et les paroles sévères de celui-ci. Pas de ménagement, de la fermeté. Le thé est servi ? Demanda le gouverneur général. On va le servir. C'est bien, bas. Et le général se dirigea d'un pas ferme vers la salle à manger pour trouver sa femme, sa fille et le fiancé de celle-ci. Il prit le thé, écouta le chant, plaisanta. « Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ils ne le peuvent pas, ils ne l'oseront pas !» crie la mère de Sveitlogoub dans un rire hystérique. C'était une femme jeune encore, assez avenante, avec des boucles grisonnantes et des pattes d'oie près des tempes. Elle était effrayante dans sa douleur. Dans un accès de désespoir, elle frappait le docteur ami de la maison. Il lui avait annoncé avec de grandes précautions cette horrible nouvelle. Il la suppliait de se calmer et d'absorber le petit verre d'eau mélangé de gouttes de valériane. Seule la pensée du chagrin de sa mère troublait la sérénité enthousiaste qu'éprouvait Sveitlogoub après qu'on lui eut annoncé l'arrêt et l'exécution qui devraient suivre le lendemain. Ce jeune homme, pur, ardent, beau, avait sacrifié sa vie au service du peuple. Il était ennemi du meurtre, de toute violence. Il ne s'était occupé que de l'instruction du peuple qu'il avait ardemment aimé. Il savait d'avance ce qu'il attendait, s'y préparait, et lorsque l'instant eut sonné, il ne s'effraya point. Simplement son cœur se serra, comme il se serre à l'approche d'un événement attendu et devant bouleverser toute sa vie. De fait, cet événement ne faisait que modifier sa vie. Celle-ci s'achevait, une autre commençait, et à l'existence de laquelle il n'avait jamais cessé de croire. Durant toute la nuit, il écrivit des lettres à sa mère et à la jeune fille qu'il aimait d'un amour platonique, mais plus que les autres êtres, et des larmes d'attendrissement coulaient sur son visage pendant qu'il écrivait. Puis il lut jusqu'au matin l'Évangile, en s'arrêtant plus longuement au sermon sur la montagne, et une joie qui n'était plus de ce monde emplissait son âme. Dans la même maison où était détenu Sveitlogoub, était prisonnier un paysan, parce qu'il avait cherché la vraie foi, nié la vertu des saintes images et la croyance en la Vierge Mère. C'est bien pour cela qu'il fut enfermé dans la même ville en attendant d'y être jugé. Au matin de l'exécution du jeune révolutionnaire, il entendit battre le tambour. Il monta sur l'appui de la fenêtre et aperçut à travers la grille un fourgon, puis un jeune homme aux yeux clairs et aux boucles blondes sortant de la prison et montant joyeusement dans la voiture, tout en s'entretenant amicalement avec les geôliers et échangeant des sourires avec les camarades qui regardaient par les fenêtres. La fine main du jeune homme tenait un livre. Le paysan sectateur reconnut, à la croix d'or et de la reliure, l'Évangile. Le jeune homme serrait le livre contre son cœur et saluait ses camarades en souriant. Ses yeux se rencontrèrent également avec ceux du paysan. La figure du jeune homme rayonnait de calme et de joie. Le fourgon s'ébranla et sortit de la cour de la prison. Le sectaire, se retenant à la grille de sa cellule, fondit en larmes. « Voilà qui possède la vraie foi, se dit-il, voilà qui pourrait me l'apprendre. » Mais il était trop tard. Bientôt, toute la prison apprit qu'on recouvrait la tête du jeune homme d'un sac et qu'on l'étranglait avec une corde. L'un des chefs révolutionnaires du parti terroriste et qui avait participé au dernier attentat manqué contre Alexandre II était enfermé dans la prison de la province où il avait été arrêté en attendant son envoi à Pétersbourg où il devait être jugé. Dans cette même prison était enfermé le sectateur que nous connaissons en attendant son envoi en Sibérie. Depuis qu'il avait assisté à la mort de Sveitlogoub, il n'avait cessé de s'inquiéter d'apprendre quelle était la vraie foi qui avait donné au jeune homme la force d'affronter avec une pareille joie la mort. Des coreligionnaires du sectateur lui venaient en aide, et il n'était pas sans quelques ressources. Ayant appris qu'un homme qui avait connu Sveitlogoub se trouvait enfermé dans la même prison que lui et professait la même croyance que le jeune révolutionnaire, le sectateur remit quelque argent au surveillant afin qu'il lui favorisât une entrevue avec l'ami de Sveitlogoub. Malgré le danger qu'il courait, le surveillant ayant reçu 50 roubles, tout l'argent que possédait le paysan, il le conduisit dans la cellule du chef des révolutionnaires. Le chef des révolutionnaires savait qu'il n'éviterait pas le bagne, mais il ne s'en attristait pas trop, comptant s'enfuir un jour afin de continuer son œuvre. Il était absorbé par l'établissement d'un plan permettant de faire sauter tous les hauts personnages du gouvernement à l'occasion de leur réunion à la cathédrale ou pendant une séance du Conseil de l'Empire. Il était en train d'établir ce plan lorsque le surveillant entra dans sa cellule et lui dit tout bas qu'un prisonnier voulait le voir. Qu'y a-t-il ? Un paysan. Instruit ? Un intellectuel ? Non, un simple, je crois. Que me veut-il ? Je l'ignore, il demande. Allons, envoie-le. La porte s'ouvrit, et le révolutionnaire aperçut un vieil homme sec, aux yeux brillants et au front rembruni. « Tu es de la même religion que Sveidlogoub, celui qu'on a étranglé à Odessa ?»« Oui, de la même. »« De la même foi ?»« Oui. » Le vieillard s'agenouilla et s'inclina jusqu'à terre. « Quoi donc ? Pourquoi ? » ?»« Découvre-moi cette foi. Voici 30 ans que je cherche la vraie foi, et c'est chez ton jeune ami seul que je l'ai aperçue. Pour l'amour de Dieu, ne me refuse pas. Dis, quelle est cette foi ?»« Soit, assieds-toi, vieux, » dit le révolutionnaire avec un sourire. Je te dirai toute la vérité. Notre foi consiste en ceci. Il existe des scélérats qui torturent et trompent le peuple, et afin de plus sûrement torturer le peuple, ces scélérats le trompent, lui apprennent toutes sortes de bêtises, notamment que Dieu existe, qu'il faut être doux et obéissant. Le peuple se laisse tromper, et les scélérats se grugent de son sang. Notre foi est donc qu'il faut supprimer tous ces scélérats, même s'ils sont des milliers, dans le seul but de nous défaire d'eux. Le sectaire soupira, baissa les yeux, puis il se remit à genoux. « Ne me la cache pas, dis la vérité. »« Je te dis la vérité. J'ai dit en quoi consistait notre foi. » Et c'est la même foi qu'avait cet adolescent, mais oui. « Non, ce n'est pas vrai. Avec une pareille foi, on ne meurt pas ainsi. » Et le sectaire, dodelinant de la tête avec doute, sortit de la cellule du révolutionnaire. C'était le divin et l'humain, par Léon Tolstoï.